connaissez-vous, Docteur Lily? Docteur Lily, ce n'est pas rien! C'est le méthode de lapin. Docteur Lily est tout petit. Docteur Lily n'est pas joli. Mais il est très très gentil. Docteur Lily, tout le monde l'aime bien. On va le voir même quand on n'a rien. Mais dans la nuit, Docteur Lily... Sortez du lit et pousse des cris! Les cris de loup poilu. Les cris du gros loup dents pointues. Je transforme, je change de forme. Deviens gros loup au poil gris. Et dans la nuit, il fait peur à tous ses amis. Dans Poitou, il part dans la forêt. Il va chasser, il va manger. Il redevient Docteur Lily. Alors, il retrouve ses amis qui lui parlent du gros loup gris. Mais lui, il n'a rien entendu. Il ne connaît pas d'en Poitou.